200 km par jour en voiture pour mon taf, je vous assure que parfois c'est lourd. Alors je piave d'impatience de terminer ma journée. 4 heures en voiture par jour, y'a de quoi se faire chier. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je m'ennuie sur la route, j'en ai marre de France Info qui toutes les 7 minutes me ressasse les mêmes nouvelles sur cette même autoroute. Me rappelle obstinément que je vis dans un monde de brutes. J'éteins la radio, regarde le paysage, mais je le connais par cœur car c'est le même tous les jours. Je me gratte les couilles et flore ma bite au passage. Tiens le volage, je bande, mon caleçon est en abat-jour. Pardonnez cet outrage, cette vile pensée qui pollue mon esprit. Mais l'inconfort de l'érection, dû au fort calibrage, nécessite une branlette manu militari. Et hop, une main sur le volant et l'autre sur la bite. C'est parti de bas en haut et on repart de haut en bas. C'est trop cool, je m'ennuie plus et du coup je roule moins vite. Pour la sécurité, je retire la solution, la voilà. Je ne sais pas si le code de la route a prévu quoi que ce soit pour ce genre de pratique. 90 euros d'amende pour un touchement de biroute. Enfin moi ça me va, je roule pédale et je mastique. C'est parti. Et dis donc du camion, t'arrêtes de me regarder. Putain il est costaud, j'ai l'impression que je l'excite. Ah je te jure c'est routier, c'est tous des gros PD. Ah tiens je vais sortir là, allez hop, l'autoroute je la quitte. Me croyant débarrassé du camionneur en rute, planqué sur une aire d'autoroute déserte, grosse voix me dit: bienvenue sur l'air de la turlute. Aïe, et moi qui n'en suis pas adepte, je suis complètement novice en fellatio. Ce que vous avez vu, monsieur, de votre cabine, je regrette, mais ne constituez en rien une provocation. Je sais, au début on dit ça, mais faut pas que